السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: الحديث التاسع عشر، le 19e حديث، d'après أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، qui a dit: j'étais un jour derrière le prophète صلى الله عليه وسلم et il me dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Préserve Allah et il te préservera. Préserve Allah et tu le trouveras devant toi. Lorsque tu as à demander quelque chose, demande-le à Allah. Lorsque tu as à implorer de l'aide, implore-le à Allah. Et sache que si toute la communauté se réunit pour t'apporter un profit quelconque, ils ne te profiteront en rien si ce n'est ce qu'Allah a décrété pour toi. Et s'ils se réunissent pour te nuire par un mal quelconque, alors ils ne te nuiront en rien si ce n'est par une chose qu'Allah aura décrétée à ton égard. Les plumes sont levées et l'encre des feuillets a séché. Rapporté par At-Tirmidhi qui a dit: hadithun bon, authentique. Et dans une version autre que celle de At-Tirmidhi: préserve Allah, tu le trouveras devant toi. Fais-toi connaître par Allah dans l'aisance, il te connaîtra dans la difficulté. Et sache que ce qui t'a évité n'aura pu t'atteindre, et que ce qui t'a atteint n'aura pu t'éviter. Et sache que la victoire est avec la patience, l'endurance, et que la délivrance vient après l'adversité, et que la facilité vient après la difficulté. Ce hadith, donc, que nous avons entre les mains, est sans aucun doute un immense hadith qui contient d'immenses enseignements du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith donc qu'il est important de méditer. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit concernant l'importance de ce hadith. Il nous dit rahimahullah: et ce hadith contient d'immenses recommandations et règles générales faisant partie des sujets les plus importants de la religion. Au point où certains savants ont dit: j'ai médité ce hadith et il m'a stupéfait, et j'ai failli en perdre la raison. Quelle tristesse est donc de ne pas connaître ce hadith. Quelle tristesse est donc de ne pas connaître ce hadith. Intaha kalamuhu rahimahullah. Cela en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la bonne compréhension de sa religion, ainsi que la mise en pratique de cela. Donc nous avons premièrement dans les propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques paroles. Nous avons dans cela premièrement l'importance de l'enseignement donné aux enfants, et cela même dès le plus jeune âge, et en particulier ce qui touche à la croyance, comme nous le voyons dans ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Ibn Abbas radiyallahu anhu des points importants de la religion dans ce qui concerne la croyance ainsi que le destin, et cela alors qu'il était radiyallahu anhu encore jeune, car il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé alors qu'Ibn Abbas venait d'avoir la puberté ou était proche de l'âge de la puberté. Puis dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam: préserve Allah, il te préservera, c'est-à-dire préserve ses limites, les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées. Préserve ses droits, ses ordres et ses interdits. Et la préservation de cela, c'est-à-dire des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses interdits, de ses limites, se fait par l'accomplissement de ses ordres, le délaissement de ses interdits, par le fait de s'en tenir à ne pas dépasser ce qu'il a ordonné et ce qu'il a autorisé, en accomplissant ce qu'il a ordonné et ne pas dépasser ce qu'il a autorisé par le fait d'accomplir ce qu'il a interdit. Et quiconque donc fait cela, fera partie de ceux qui préservent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hafidhuna li hududillah. Ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait des éloges dans son livre, dans sa parole subhanahu wa ta'ala, qui nous dit d'après l'essence du verset, voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et qui préserve les prescriptions divines. C'est-à-dire qu'il préserve les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses interdits, ses limites. Donc, Al-Hafidh, qui a été expliqué par celui qui préserve les prescriptions divines, c'est-à-dire qu'il préserve les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui retient ses péchés, donc qu'il a accompli, qu'il les préserve, cela pour se repentir. Cela comme l'a cité Ibn Rajab rahimahullah. Donc, Al-Hafidh, celui qui préserve les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui retient ses péchés dans le but de se repentir de cela. Puis Allah nous dit à la suite de ce verset, quiconque craint le miséricordieux alors qu'il ne le voit pas et vient à lui avec un cœur porté à l'obéissance. Surat Qaf. Donc, quiconque accomplit cela, c'est-à-dire qu'il préserve les droits, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en les accomplissant, et qu'il préserve ses interdits par le fait de les délaisser, ainsi que les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala par le fait de ne pas les dépasser, de ne pas les transgresser, Allah subhanahu wa ta'ala le récompensera, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le fait qu'Allah le préservera. Ihfadillaha yahfadhuk. Préserve Allah et il te préservera. Et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve son serviteur se fait de deux types. Cela sera de deux manières, comme nous le cite Ibn Rajab rahimahullah. Quant au premier, il est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préservera dans ce qui concerne ses profits, ses intérêts mondains, comme le fait qu'Allah le préserve dans son corps, ses enfants, ses biens. Allah nous dit d'après le sens du verset, il a part devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veille sur lui par l'ordre d'Allah, donc l'être humain. Il a part devant lui et derrière lui des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par l'ordre d'Allah. Surat Ar-Ra'd, le tonnerre, verset numéro 11. Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, ce sont les anges qui le préservent par l'ordre d'Allah. Et lorsque le décret arrive, il le délaisse. Et il a été rapporté de Ali radiallahu anhu qui a dit, tout homme a certes avec lui deux anges qui le préservent, donc qui le protègent, qui le préservent de ce qui n'a pas été décrété à son égard. Et lorsque le destin arrive, alors il le laisse, lui et le destin. Puis Ibn Rajab rahimahullah nous dit, et quiconque préserve Allah dans sa jeunesse et sa période de force, Allah le préservera dans sa vieillesse et sa faiblesse, et le fera jouir de son ouïe, sa vue, sa force ainsi que sa raison. Et il nous cite rahimahullah en exemple de cela le récit d'une personne parmi les savants ayant dépassé la centaine d'années, une personne qui jouissait encore de sa force et de sa raison. Cette personne a sauté un jour de manière forte. Les gens l'ont blâmé pour cela et il répondit, ses membres, nous les avons préservés des péchés dans notre jeunesse, Allah nous les a alors préservés dans notre vieillesse. Et à l'inverse de cela, il a été rapporté qu'une personne parmi les salafs a vu un vieil homme mendier. Cette personne a dit, certes, cette personne n'a pas préservé Allah dans sa jeunesse, Allah ne l'a donc pas préservé dans sa vieillesse. Puis il nous dit, rahimahullah, et il se peut qu'Allah préserve le serviteur par la cause de sa piété dans sa descendance, après sa mort. Comme il a été dit en explication de la parole d'Allah, d'après l'essence du verset, et leur père était pieux. Donc c'est-à-dire ici, à propos des deux enfants cités dans Surat Al-Kahf, la caverne, dont Allah subhanahu wa ta'ala a cité que le trésor qui leur appartenait a été préservé. Donc il a été dit, dans le sens de la parole d'Allah, et leur père était pieux, ils ont été préservés par la cause de la piété de leur père. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Donc le fait que leur père était pieux, Allah a préservé cette personne pieuse dans ses enfants. Et Saïd ibn al-Musayyib a dit à son fils, Certes, j'allonge mes prières en espérant qu'Allah me préserve en toi. Puis il récita le verset cité et leur père était pur. Et Omar ibn Abdelaziz a dit, il n'y a pas un croyant qui meurt sans qu'Allah ne le préserve dans sa descendance ainsi que la descendance de sa descendance. Donc le premier type à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala préserve le serviteur se fait dans ce qui se réfère à ses profits, ses intérêts mondains. Yahfadillah, yahfadk. Préserve Allah et il te préservera. Puis l'imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit, quant au deuxième type de préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour son serviteur, il nous dit, il est le plus noble des deux. Il est le fait qu'Allah préserve son serviteur dans sa religion et sa foi. Il le préserve donc pendant sa vie des ambiguïtés qui égarent, ainsi que des désirs interdits, et il préserve pour lui sa religion au moment de sa mort. Donc il le préserve des ambiguïtés, ainsi que des désirs interdits, et il le préserve au moment de sa mort sur sa religion. Puis il nous dit, rahimahullah, plus loin. Donc, en résumé, Allah Azzawajal préserve son serviteur qui préserve les limites de sa religion et s'interpose entre lui et tous ceux qui corrompent sa religion. Cela de différentes manières. Et il se peut que le serviteur ne se rende pas compte de certaines d'entre elles. Et il se peut qu'il déteste cela. C'est-à-dire, il se peut que le serviteur déteste la chose à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Car il ne se rend pas compte qu'Allah le préserve par cela. Puis il nous dit, rahimahullah, comme Allah a dit à propos de Yusuf alayhi salam, d'après le sens du verset, ainsi nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude. Il fait certes partie de nos serviteurs élus. Sourate Yusuf, verset numéro 24. Et Ibn Abbas radiallahu anhu a dit, concernant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'après le sens du verset, certes Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Il a dit radiallahu anhu, Allah s'interpose entre le croyant et les péchés qui le traînent en enfer. Intaha kalam Ibn Rajab rahimahullah. Donc, le croyant retient de cet immense hadith et de cette immense recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est sa parole, Yahfadillah, yahfadk, préserve Allah et il te préservera, l'importance de préserver les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses interdits. Et que par cela, le serviteur obtiendra qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve dans toutes ses affaires mondaines et religieuses. Et qu'à l'inverse, si le serviteur sent un manque quant à la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son égard, qu'il sache que cela peut venir du fait qu'il a lui négligé et n'a pas préservé les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la manière dont il devait le faire. Comme cela fut rapporté de certains salaf qui a dit, certes, lorsque je désobéis à Allah, je reconnais cela dans le comportement de mon servant et celui de ma monture. Donc, à ce moment-là, que le serviteur se remette en question et qu'il accourt au repentir, car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis de préserver son serviteur qu'il le préserve. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala ne rompt pas sa promesse. Puis dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, préserve Allah, tu le trouveras devant toi. C'est-à-dire, encore une fois, que celui qui préserve Allah subhanahu wa ta'ala, qui préserve les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses interdits, ses limites, trouvera qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'entoure de par sa protection, le préserve, cela dans sa vie mondaine et sa vie religieuse. Puis quant à sa parole sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu demandes, ne demande qu'à Allah, c'est-à-dire que le serviteur ne se dirige dans ses demandes que vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a certes dit, d'après le sens du verset, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Et ceux qui s'enorgueillissent quant à mon adoration entreront certes en enfer humiliés. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé l'invocation adoration. Donc ceci Le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala est une adoration, une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et ordonne de faire. Une adoration qui ne doit être dirigée que vers lui subhanahu wa ta'ala et en aucun cas pour autre que lui subhanahu wa ta'ala. Quant au fait de demander à des serviteurs une chose qu'ils sont capables de faire, une chose qui n'est pas spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, alors cela est permis. Et à ce moment-là, le croyant sait que cela n'est qu'une cause et que cela ne peut se faire que par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et que par l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il s'en remet en réalité à Allah subhanahu wa ta'ala et place sa confiance en lui seul subhanahu wa ta'ala et non pas en la cause qu'il a accomplie. Et quant au fait de demander une chose que seul Allah peut faire, alors il n'y a aucun doute que cela ne peut se diriger que vers Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Puis sa parole sallallahu alayhi wa sallam, et si tu implores de l'aide, si tu demandes de l'aide, alors implore-le à Allah. Donc c'est-à-dire que le serviteur, encore une fois, s'en remet à Allah seul subhanahu wa ta'ala dans tout ce qu'il demande, comme aide et comme secours. Car il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est son seul Seigneur, le seul à gérer, le seul à posséder l'univers, et qu'il est le seul subhanahu wa ta'ala à mériter tout acte d'adoration. Et il n'y a aucun doute que la demande d'aide fait partie des actes d'adoration. Comme Allah nous dit d'après le sens du verset, c'est toi seul que nous adorons, et c'est à toi seul que nous implorons aide, que nous demandons aide. Donc cela, et lorsque la personne demande de l'aide dans une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut accomplir, comme le fait de demander la guider, le fait de demander le paradis, le fait de demander de l'aide dans une chose de l'invisible, une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire. Et quant au fait de demander aux créatures de l'aide dans une chose qu'ils sont capables d'accomplir, alors encore une fois, le serviteur croyant sait que cela est une cause parmi d'autres, qui ne peut avoir effet sans la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc il place en réalité sa confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala seul lorsqu'il accomplit cette cause. Puis quant à sa parole sallallahu alayhi wa sallam, et sache que si toute la communauté se réunit pour t'apporter un profit quelconque, ils ne te profiteront en rien si ce n'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Alors ce sujet sera abordé bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala dans notre prochain cours. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de par sa grâce de nous accorder aide et assistance dans tout acte que nous entreprenons, de nous préserver dans ce bas monde comme dans l'au-delà, le tout mal. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayhi wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.